C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'assassinat du commandant Massoud. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons donc la chute de Mossoul, cette ville irakienne qui est tombée aux mains des islamistes de Daesh le 10 juin 2014. Le commandant Massoud, par son combat, nous avait pourtant alerté sur le danger que représentait Al-Qaïda. Aujourd'hui, c'est donc Daesh. Nous en parlerons également demain avec notre invité Jérôme Fittel, grand reporter et documentariste. Il est le réalisateur du documentaire Daesh, naissance d'un état terroriste, diffusé en février 2015. Il arrive que les fins de parcours soient un peu difficiles. Ça vous arrive aussi, j'imagine, Elsa, quelquefois. Absolument. Enfin, même les débuts de parcours, parfois. Ah, bonjour, ouais, Fabrice. C'est plus gênant. Bonjour, Elsa. Aujourd'hui, au programme. Aujourd'hui, on va parler de comment l'Afrique se raconte en musique. C'est-à-dire que du temps du colonialisme, de l'esclavagisme, vous doutez bien qu'on parlait des Noirs et des Africains d'une certaine manière. Ah oui. Et donc les musiques étaient composées en fonction. On parlera de ça, on entendra donc du jazz aussi et des opéras magnifiques qui racontent l'Afrique. À tout à l'heure, Elsa Boulay. À tout à l'heure.